Ici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. On va ouvrir d'abord le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des Saguenay de Chicoutimi qui ont perdu hier contre les Olympiques de Gatineau par la marque de 4-2. Pour les Saguenayens, à noter que le Russe Vladislav Kotkov et Samuel Hood ont marqué les buts pour les Saguenayens. On va parler, t'inquiète, Joaquin, on va parler de simple lettre. Il y avait un match qui nous intéressait au cours des derniers jours, c'était au niveau junior A, et le programme de Saint-Félicien a vaincu le National de la Baie 4-2. C'est le 9 novembre prochain, sous la présidence d'honneur de Paul-Henri Bergeron, que sera célébré le 48e mérite sportif régional, et ça va avoir lieu à l'UQAC, à Ville-Saguenay. Et on va vous donner maintenant, il y a plusieurs finalistes du secteur. L'athlète de l'année au niveau international, c'est William Veilleux. William Veilleux qui est de Dolbeau-Mistassini, qui a évidemment remporté les championnats du monde de dynamophilie. Marianne Saint-Gelais de Saint-Félicien est également en lutte pour l'athlète de l'année au niveau international. L'athlète maintenant de l'année au niveau provincial, Samuel Girard de Roberval. À noter également que l'athlète de l'année au niveau régional, c'est Lily Rose Tanguay, et elle est de Saint-Félicien. Maintenant, l'athlète de l'année au niveau des 50 ans et plus, c'est Gilles Saint-Gelin en tir à l'arc. L'athlète de l'année, personne ayant un handicap, c'est Anne-Sophie Prévost de Dolbeau-Mistassini. Elle est en équitation classique. Donc, on rappelle évidemment que ça aura lieu le 9 novembre prochain à Ville-Saguenay. Au tennis, au Challenge Bank National, deux victoires pour les Canadiens hier. D'abord, à noter que la Québécoise Charlotte Robillard-Miette a battu en 2-7, Mikhaila Ankova 6-3 et 7-5. Et Lia Annie Fernandez a défait Marie Mathias en 2-7 de 6-1 et 6-4. Ça se poursuit aujourd'hui à Ville-Saguenay. Au curling, dans la Ligue de curling de Saint-Félicien, mercredi, à noter que Gaétan Potvin a défait Joanne Perron 5-2, Jacques Taillon 6 et également Richard Lavoie 2 et Fernand Rondeau a défait Muriel Thériault 7-2. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. Hier, on a passé une entrevue que j'ai réalisée au 106.9 à Mauricie où on a parlé de la fierté du Lac-Saint-Jean Samuel Girard. Également, Hugo Maltais vient nous parler du hockey mineur de Robertval. Et également, vous pouvez écouter les autres entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.